maison, radio ne sent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. D'asile, je parie con, ligue le FR. Tu gâtes ce genre de son, même tu te piles les oreilles. Entre Scoop, Énergie et Fun Radio, en passant par Espace et tous ces tubes à gogo, j'ai nos sur place. Le son pour mettre à la casse celui qui s'accruse dans ta tête et sans que t'aies rien demandé. T'en as pas marre d'entendre Manu, non mais t'en as pas marre d'écouter ces trous de cul. Ce tatamar, je n'en peux plus, j'espère que ce connard se retrouvera à la rue. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La vie, je vais parler con, nique le FM. Le gars, ce genre de son, mais tu te pilles les oreilles. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La vie, je vais parler con, nique le FM. Le gars, ce genre de son, mais tu te pilles les oreilles. La radio, c'est de la merde, il est temps de laisser la place à du bon son autrement, car y'en a la masse. Il suffit d'ouvrir un peu, écouter au-delà de ce que l'on entend recherche. C'est toujours bien jusqu'à résultat satisfaisant. Jamais tu me verras flipper sur du son commercial. Tout est dit que pré-marché que facilement tu avales. Je dis pas que l'un de gros n'est forcément pète sa mère, mais ça ne peut être que mieux vu le résultat qu'il y a derrière. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La vie, je parle con, dit que le FM. Que t'as de genre de son, mais tu te piques les oreilles. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La zique jouée par les cons, nique le FM. Que t'as de genre de son, mais tu te piles les oreilles. 2 ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La zig jouée par des cons, nique le FM. Le gars, ce genre de son, mais tu te piles les oreilles. Toujours les mêmes peines dans ces chansons. Faut pas parler d'autre chose, sinon on risque une rébellion. Faut pas que les gens cogitent, éviter l'originalité. Faut placer des limites, ça pourrait choquer. Toujours les mêmes thèmes dans ces chansons. Faut pas parler d'autre chose, sinon on risque une rébellion. Faut pas que les gens cogitent, éviter l'originalité. Faut placer des limites, sinon ça pourrait choquer. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. Classique, joué par des cons, nique le FM. Le gars des genres de son, mais tu te piles les oreilles. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. Classique, joué par des cons, nique le FM. Le gars des genres de son, mais tu te piles les oreilles. Les ondes radio ne sentent pas le romarin. Ça pue, ça pue, ça pue la merde de chien. La zig jouée par les cons, nique le FM. Le gars des genres de son, tu te piques les oreilles. Les ondes radio ne sentent pas